On est parti dans la vie avec les conseils des parents. Ils n'ont pas tenu devant l'existence. On est tombé dans les salades qui étaient plus affreuses l'une que l'autre. On est sorti comme on a pu. De ces conflagrations funestes, plutôt de trabioles tout crabe baveux à reculons. Pas tant moins, on s'est bien marré quelquefois. Faut être juste, même avec la merde, mais toujours en proie d'inquiétude que les vacheries recommenceraient. Toujours elles ont recommencé. Rappelons-nous, on parle souvent des illusions qu'elle perdent, la jeunesse. On l'a perdue, sans illusion, la jeunesse. Encore des histoires. Comme je dis, ça s'est fait d'emblée, on était petits cons de naissance, tout paumé de souche. On serait né fils d'un riche planteur à Cuba, Havane, par exemple, où ce serait passé bien gentiment. Mais on est venu chez des gougnaves, dans un coin pourri sur toute part. Alors faut partir pour la caste, et c'est l'injustice qui vous broie la maladie de la mythe baveuse qui fait vantarder les pauvres gens après leur bévue, leur cagnerie, leur tare pustulante d'inferno, que d'écouter c'est à vomir tellement qu'ils sont bas et tenaces. Mois après mois, c'est sa mature, le paumé gratis, il expie. Sur le chevalet Prodéo, sa naissance infâme. Ligoté bien étroitement avec son livret matricule, son bulletin de vote, sa face d'enflure. Tantôt c'est la guerre, c'est la paix, c'est la reguerre, le triomphe, c'est le grand désastre. Ça change rien, au fond des choses, il est marron. Dans tous les retours, c'est lui le paillasse de l'univers. Il donnerait sa place à personne, il ferait dire que pour les bourreaux, toujours à la disposition de tous les fumiers de la planète, tout le monde lui passe sur la gueule, se fait les poignets sur sa détresse, il est gâté. On est parti dans la vie avec les conseils des parents, ils n'ont pas tenu devant l'existence.